avez reconnu le générique de Franck Ferrand pour remonter le temps. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 16 février de quelle année ? De l'année 1899, c'est le jour de la mort sulfureuse de Félix Faure. Vous savez, ce président de la République qui a rendu l'âme dans les bras de sa maîtresse. Mais c'est une histoire vraie ou une rumeur ? Alors c'est un petit peu les deux. En fait, on pense que ce bon Félix a fait un malaise alors qu'il était en compagnie de sa maîtresse. Ça c'est incontestable, seulement il ne serait mort qu'un peu plus tard entouré de ses proches. Ce sont les journalistes, vous savez, qui vont broder sur les circonstances de ce décès. C'est historique. Ce qui est sûr, c'est le lieu du drame, le salon d'argent de l'Élysée, et le nom de la dame, la célèbre Marguerite Stenel, qui plus tard sera accusée d'avoir fait tuer son propre mari. C'est d'ailleurs lors de son procès que sera révélée sa présence à l'Élysée ce 16 février 1899. La légende veut que le président ait pris une dose fatale d'aphrodisiaque alors même qu'il souffrait de tachycardie. En tout cas, il a succombé à ce que nous appelons nous un AVC, et les mauvais esprits se sont chargés du reste. C'est vrai qu'il était facile d'ironiser. Eh oui, vous savez que Clémenceau, qui était odieux, a fait dire « Il voulait être César, il a fini Pompée ». J'en passe de beaucoup plus grasse encore. C'est le même Clémenceau qui a déclaré publiquement à propos du malheureux Félix Faure « En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui ». Eh bien, dites-moi, l'époque n'était pas plus tendre que la nôtre. Non, elle était même sans doute encore plus cruelle. N'oublions pas que nous sommes à l'époque en pleine affaire Dreyfus et que le défunt s'est opposé à la révision du procès de Dreyfus. Félix Faure ne passait pas inaperçu. C'est lui qu'on appelait le président Soleil. Lors de ses obsèques, la Ligue des Patriotes ira jusqu'à tenter un coup d'État sans aucune suite. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une heure haletante aux côtés des chevaliers hospitaliers dans leur forteresse de Rhodes.